Elle est assise au bord du lit, une photo d'elle et son mari. Prise en vacances, il y a des lunes. En ce temps-là, elle était brune. Elle a du mal à se rappeler le nom de leur chanson préférée. Elle disait quoi, elle ne sait plus. Les chanteurs, elle les connaît plus. Elle vit toute seule comme elles sont des milliers. Un jour la terre est vide, le monde inhabité. Elle passe en boucle les occasions manquées. Le goût de l'amour, le prix de l'amour. Lorsque 10 ans passent en 10 jours, elle a tellement donné. La rupture a duré longtemps, à la folie passionnément. Et puis ce brusquement plus rien, ce cri silencieux de la fin. La rupture a duré longtemps, à la folie passionnément. On arrive au bout de la fin, quand le plaisir s'en est allé. Elle vit toute seule comme elles sont des milliers. Un jour on n'a personne, personne à qui parler. Les amis sont ailleurs, mais ce n'est pas l'amitié. Le jeu d'amour qu'on perd toujours, lorsque les heures se comptent en jours. Elle a tellement compté. La rupture a duré longtemps, à la folie passionnément. Et puis ce brusquement plus rien, ce cri silencieux de la fin. La rupture a duré longtemps, à la folie passionnément. On arrive au bout de la fin, une porte se ferme, on est barré. Elle n'est plus jamais invitée, on a fini par l'oublier. Elle se souvient qu'il y a des lunes, ses soirées valaient des fortunes. On jouait pour la faire danser, la seule chanson qu'elle a aimée. Elle disait quoi, je m'en souviens plus. Les chanteurs, on ne les connaît plus. Elle vit toute seule comme elles sont des milliers. Elle s'est bien défendue, puis elle s'est résignée. Elle vit toute seule comme elles sont des milliers. On s'habitue à tout, comme dans l'obscurité. Elle vit toute seule comme elles sont des milliers. On s'habitue à tout, comme dans l'obscurité.